Là-dedans, si l'on mettait à se cacher autant de soin qu'on en met d'ordinaire à se montrer, on éviterait bien des peines. J'en fis de bonne heure une première expérience. C'était un jour de pluie. J'avais reçu en cadeau tout un attirail de postillons, casquettes, fouets, guides et grelots. Il y avait beaucoup de grelots. J'attelai, c'est moi que j'attelai à moi-même, car j'étais tout ensemble le postillon, les chevaux et la voiture. Mon parcours s'étendait de la cuisine à la salle à manger par un couloir. Cette salle à manger me représentait très bien une place de village. Le buffet d'acajou où je relayais me semblait sans difficulté l'auberge du Cheval Blanc. Le couloir m'était une grande route avec ses perspectives changeantes et ses rencontres imprévues. Confiné dans un petit espace sombre, je jouissais d'un vaste horizon et j'éprouvais entre des murs connus ces surprises qui font le charme des voyages. C'est que j'étais alors un grand magicien. J'évoquais pour mon amusement des êtres aimables et je disposais à souhait de la nature. J'ai eu depuis le malheur de perdre ce don précieux. J'en jouissais abondamment dans ce jour de pluie où je fus postillon. Cette jouissance aurait dû suffire à mon contentement, mais est-on jamais content? L'envie me vint de surprendre, d'éblouir, d'étonner des spectateurs. Ma casquette de velours et mes grelots ne m'étaient plus de rien si personne ne les admirait. Comme j'entendais mon père et ma mère causer dans la chambre voisine, j'y entrai avec un grand fracas. Mon père m'examina pendant quelques instants, puis il haussa les épaules et dit: Cet enfant ne sait que faire ici. Il faut le mettre en pension. Il est encore bien petit, dit ma mère. Eh bien, dit mon père, on le mettra avec les petits. Je n'entendis que trop bien ces paroles. Celles qui suivirent m'échappèrent en partie. Et si je peux les rapporter exactement, c'est qu'elles m'ont été répétées plusieurs fois depuis. Mon père ajouta: Cet enfant qui n'a ni frère ni sœur développe ici dans l'isolement un goût de rêverie qui lui sera nuisible par la suite. La solitude exalte son imagination et j'ai observé que déjà sa tête était pleine de chimères. Les enfants de son âge qu'il fréquentera à l'école lui donneront l'expérience du monde. Il apprendra d'eux ce que sont les hommes. Il ne peut l'apprendre de vous et de moi, qui lui apparaissons comme des génies tutélaires. Ses camarades se comporteront avec lui comme des égaux, qu'il faut tantôt plaindre et défendre, tantôt persuader ou combattre. Il fera avec eux l'apprentissage de la vie sociale. Mon ami, dit ma mère, ne craignez-vous pas que parmi ces enfants, il n'y en ait de mauvais? Les mauvais eux-mêmes, répondit mon père, lui seront utiles s'il est intelligent, car il apprendra à les distinguer des bons, et c'est une connaissance fort nécessaire. D'ailleurs, vous visiterez vous-même les écoles du quartier et vous choisirez une maison fréquentée par des enfants dont l'éducation correspond à celle que vous avez su donner à Pierre. La nature des hommes est partout la même, mais leur nourriture, comme disaient nos anciens, diffère beaucoup d'un lieu à l'autre. Une bonne culture, pratiquée depuis plusieurs générations, produit une fleur d'une extrême délicatesse, et cette fleur qui a coûté un siècle à former peut se perdre en peu de jours. Des enfants incultes feraient par leur contact dégénérer sans profit pour eux la culture de notre fils. La noblesse des pensées vient de Dieu, celle des manières s'acquiert par l'exemple et se fixe par l'hérédité. Elle passe en beauté la noblesse du nom. Elle est naturelle, et se prouve par sa propre grâce, tandis que l'autre se prouve par des vieux papiers qu'on ne sait comment débrouiller. Vous avez raison, mon ami, répondit ma mère. J'irai dès demain à la recherche d'une bonne pension pour notre enfant. Je la choisirai comme vous dites, et je m'assurerai qu'elle est prospère, car les soucis d'argent détournent l'esprit du maître et aigrissent son caractère. Que pensez-vous, mon ami, d'une pension tenue par une femme? Mon père ne répondait point. Qu'en pensez-vous? Répéta ma mère. C'est un point qu'il faut examiner, dit mon père. Assis dans son fauteuil, devant son bureau à cylindre, il examinait depuis quelques instants une espèce de petit os pointu d'un bout et tout fruste de l'autre. Il le roulait dans ses doigts, certainement il le roulait aussi dans sa pensée, et dès lors, avec tous mes grelots, je n'existais plus pour lui. Ma mère, accoudée au dossier du fauteuil, suivait l'idée qu'elle venait d'exprimer. Le docteur lui montra le vilain petit os et dit « Voici la dent d'un homme qui vécut au temps du mammouth, pendant l'âge des glaces, dans une caverne jadis nue et désolée, maintenant à demi couverte de vignes vierges et de giroflées, et près de laquelle s'élève depuis plusieurs années cette jolie maison blanche que nous habitâmes pendant 2 mois d'été, l'année de notre mariage. Ce fut 2 mois heureux. Comme il s'y trouvait un vieux piano, tu y jouais du Mozart tout le jour, ma chérie, et grâce à toi, une musique spirituelle et charmante qui s'envolait par les fenêtres animait cette vallée où l'homme de la caverne n'avait entendu que les miaulements du tigre. » Ma mère posa sa tête sur l'épaule de mon père, qui continua ainsi. « Cet homme ne connaissait que la peur et la faim. Il ressemblait à une bête. Son front était déprimé. Les muscles de ses sourcils formés en se contractant de hideuses rides. Ses mâchoires faisaient sur sa face une énorme saillie. Ses dents avançaient hors de sa bouche. Voyez comme celle-ci est longue et pointue. Telle fut la première humanité. Mais insensiblement, par de lents et magnifiques efforts, les hommes devenus moins misérables devinrent moins féroces. Leurs organes se modifièrent par l'usage. L'habitude de la pensée développa le cerveau et le front s'agrandit. Les dents, qui ne s'exerçaient plus à déchirer la chair crue, poussèrent moins longues dans la mâchoire moins forte. La face humaine prit une beauté sublime et le sourire naquit sur les lèvres de la femme. Ici, mon père baisa la joue de ma mère qui souriait. Puis, élevant lentement, au-dessus de sa tête, la dent de l'homme des cavernes, il s'écria « Vieil homme, dont voici la rude et farouche relique. Ton souvenir me remue dans le plus profond de mon être. Je te respecte et t'aime, à mon aïeul. Reçois dans l'insondable passé où tu reposes l'hommage de ma reconnaissance, car je sais combien je te dois. Je sais ce que tes efforts m'ont épargné de misère. Tu ne pensais point à l'avenir, il est vrai. Une faible lueur d'intelligence vacillait dans ton âme obscure. Tu ne pus guère songer qu'à te nourrir et à te cacher. Tu étais homme pourtant. Un idéal confus te poussait vers ce qui est beau et bon aux hommes. Tu vécus misérable. Tu ne vécus pas en vain. Et la vie que tu avais reçue si affreuse, tu l'as transmise un peu moins mauvaise à tes enfants. Ils travaillèrent à leur tour à la rendre meilleure. Tous, ils ont mis la main aux arts. L'un inventa la meule, l'autre la roue. Ils se sont tous ingéniés et l'effort continu de tant d'esprits à travers les âges a produit des merveilles qui maintenant embellissent la vie. Et chaque fois qu'ils inventaient un art ou fondaient une industrie, ils faisaient naître par cela même des beautés morales et créaient des vertus. Ils donnèrent des voiles à la femme et les hommes connurent le prix de la beauté. Ici, mon père posa sur son bureau la dent préhistorique et il embrassa ma mère. Il parlait encore, il disait « Ainsi, nous leur devons tout à ses ancêtres, tout et même l'amour. » Je voulus toucher cette dent qui avait inspiré à mon père des paroles que je ne comprenais pas. Je m'approchai du bureau pour la saisir. Mais au bruit que firent mes grelots, mon père tourna la tête de mon côté, me regarda gravement et dit « Tout beau, la tâche n'est pas finie. Nous serions moins généreux que les hommes des cavernes si notre tour étant venu, nous ne travaillions pas à rendre à nos enfants la vie plus sûre et meilleure qu'elle n'est pour nous-mêmes. Il est 2 secrets pour cela, aimer et connaître. Avec la science et l'amour, on fait le monde. » « Sans doute, mon ami, dit ma mère, mais plus j'y songe, plus je me persuade que c'est à une femme qu'il faut confier un petit garçon de l'âge de notre Pierre. J'ai entendu parler d'une demoiselle Lefort. J'irai la voir demain. » La révélation de la poésie. Mademoiselle Lefort, qui tenait dans le faubourg Saint-Germain une pension pour des enfants en bas âge, consentit à me recevoir de 10 heures à midi et de 2 heures à 4. Je m'étais fait par avance une idée affreuse de cette pension, et quand ma bonne m'y traîna pour la première fois, je me jugeai perdu. Aussi je fus extrêmement surpris, en entrant, de voir dans une grande chambre 5 ou 6 petites filles et une douzaine de petits garçons qui riaient, faisaient des grimaces et donnaient toutes sortes de signes de leur insouciance et de leur espièglerie. Je les jugeai bien endurcis. Je vis par contre que Mademoiselle Lefort était profondément triste. Ses yeux bleus étaient humides et ses lèvres entr'ouvertes. De pâles boucles à l'anglaise pendaient le long de ses joues, comme au bord des eaux les branches mélancoliques des saules. Elle regardait sans voir et semblait perdue dans un rêve. La douceur de cette demoiselle affligée et la gaieté des enfants m'inspirèrent de la confiance. À la pensée que j'allais partager le sort de plusieurs petites filles, peu à peu, toutes mes craintes s'évanouirent. Mademoiselle Lefort, m'ayant donné une ardoise avec un crayon, me fit asseoir à côté d'un garçon de mon âge, qui avait les yeux vifs et l'air fin. « Je m'appelle Fontané, me dit-il, et toi ?» Puis il me demanda ce que faisait mon père. Je lui dis qu'il était médecin. « Le mien est avocat, répondit Fontané, c'est mieux. « Pourquoi ? Tu ne vois pas que c'est plus joli d'être avocat ?»« Non. » « Alors c'est que tu es bête. » Fontané avait l'esprit fertile. Il me conseilla d'élever des vers à soie et me montra une belle table de Pythagore qu'il avait faite lui-même. J'admirais Pythagore et Fontané. Moi, je ne savais que des fables. En partant, je reçus de Mademoiselle Lefort un bon point dont je ne pus parvenir à découvrir l'usage. Ma mère m'expliqua que n'avoir point d'utilité était le propre des honneurs. Elle me demanda ensuite ce que j'avais fait dans cette première journée. Je lui répondis que j'avais regardé Mademoiselle Lefort. Elle se moqua de moi, mais j'avais dit la vérité. J'ai été enclin de tout temps à prendre la vie comme un spectacle. Je n'ai jamais été un véritable observateur, car il faut à l'observation un système qui la dirige, et je n'ai point de système. L'observateur conduit sa vue. Le spectateur se laisse prendre par les yeux. Je suis né spectateur, et je conserverai, je crois, toute ma vie cette ingénuité des badauds de la grande ville que tout amuse et qui garde dans l'âge de l'ambition la curiosité désintéressée des petits-enfants. De tous les spectacles auxquels j'ai assisté, le seul qui m'est ennuyé est celui qu'on a dans les théâtres en regardant la scène. Au contraire, les représentations de la vie m'ont toutes diverti, à commencer par celle que j'eus dans la pension de Mademoiselle Lefort. Je continuai donc à regarder ma maîtresse, et, me confirmant dans l'idée qu'elle était triste, je demandai à Fontané d'où venait cette tristesse. Sans rien affirmer de positif, Fontané l'attribuait au remords, et croyait bien se rappeler qu'elle fut subitement imprimée sur les traits de Mademoiselle Lefort, au jour déjà ancien, où cette personne lui confisqua sans nul droit une toupie de buis et commit presque aussitôt un nouvel attentat, car pour étouffer les plaintes de celui qu'elle avait spolié, elle lui enfonça le bonnet d'âne sur la tête. Fontané concevait qu'une âme souillée de ses actes eût perdu à jamais la joie et le repos, mais les raisons de Fontané ne me suffisaient pas et j'en cherchais d'autres. Il était difficile, à vrai dire, de chercher quelque chose dans la classe de Mademoiselle Lefort à cause du tumulte qui y régnait sans cesse. Les élèves s'y livraient de grands combats devant Mademoiselle Lefort, visible mais absente. Nous nous jetions les uns aux autres tant de catéchismes et de croûtes de pain que l'air en était obscurci et qu'un crépitement continu remplissait la salle. Seuls les plus jeunes enfants, les pieds dans les mains, et la langue tirée hors de la bouche, regardait le plafond avec un sourire pacifique. Soudain, Mademoiselle Lefort, entrant dans la mêlée d'un air de somnambule, punissait quelque innocent, puis elle rentrait dans sa tristesse, comme dans une tour. Faites réflexion, je vous prie, à l'état d'esprit d'un petit garçon de 8 ans qui, au milieu de cette agitation incompréhensible, écrit depuis 6 semaines sur une ardoise « La faim mis au tombeau, malfilâtre ignoré ». C'était là ma tâche. Par moments, je me pressais la tête dans les mains pour contenir mes idées. Mais une seule était distincte, l'idée de la tristesse de Mademoiselle Lefort. Je m'occupais sans cesse de ma désolée maîtresse. Fontanet augmentait ma curiosité par d'étranges récits. Il contait qu'on ne pouvait passer le matin devant la chambre de Mademoiselle Lefort sans entendre des cris lamentables mêlés à des bruits de chaîne. « Je me rappelle, ajouta-t-il, qu'il y a longtemps, un mois peut-être, elle lut à toute la classe en sanglotant une histoire qu'on croit être en vers. » Il y avait dans le récit de Fontanet une expression d'horreur qui me pénétra. J'eus lieu de penser dès le lendemain que ce récit n'était pas imaginaire, du moins quant à la lecture à haute voix, car pour ce qui est des chaînes qui faisaient pâlir Fontanet, je n'en ai jamais rien su, et je suppose aujourd'hui que le bruit de ces chaînes était en réalité un bruit de pelles et de pincettes. Le lendemain, voici ce qui eut lieu. Mademoiselle Lefort frappa sur sa table avec une règle pour obtenir le silence, toussa et dit d'une voix sourde « Pauvre Jeanne !» Après une pause, elle ajouta « Des vierges du hameau, Jeanne était la plus belle. » Fontanet me donna un coup de coude dans la poitrine en lançant un rire en fusée. Mademoiselle Lefort lui jeta un regard indigné, puis d'une voix plus triste que les psaumes de la pénitence, elle continua l'histoire de la pauvre Jeanne. Il est probable et même certain que cette histoire était en vers d'un bout à l'autre, mais je me suis bien forcée de la conter comme je l'ai retenue. On reconnaîtra, j'espère, dans ma prose, les membres éparses du poète dispersé. Jeanne était fiancée. Elle avait engagé sa voix à un jeune et vaillant montagnard. Oswald était le nom de cet heureux pasteur. Déjà, tout est préparé pour l'hyménée. Les compagnes de Jeanne lui apportent le voile et la couronne. Heureuse Jeanne! Mais une langueur l'envahit. Ses joues se couvrent d'une pâleur mortelle. Oswald descend de la montagne. Il accourt et lui dit « N'es-tu pas ma compagne ?» Elle répond d'une voix éteinte « Cher Oswald, adieu, je meurs. » Pauvre Jeanne, le tombeau fut son lit nuptial, et les cloches du hameau, qui devaient sonner pour son hymen, sonnèrent pour ses funérailles. Il y avait dans ce récit un grand nombre de termes que j'entendais pour la première fois et dont je ne savais pas la signification. Mais l'ensemble me sembla si triste et si beau que je ressentis à l'entendre un frisson inconnu. Le charme de la mélancolie m'était révélé par une trentaine de vers dont j'aurais été incapable d'expliquer le sens littéral. C'est que, à moins d'être vieux, on n'a pas besoin de beaucoup comprendre pour beaucoup sentir. Des choses obscures peuvent être des choses touchantes, et il est bien vrai que le vague plaît aux jeunes âmes. Les larmes jaillirent de mon cœur trop plein, et Fontanet ne put ni par ses grimaces ni par ses moqueries arrêter mes sanglots. Pourtant, je ne doutais pas alors de la supériorité de Fontanet. Il a fallu qu'il devint sous-secrétaire d'État pour m'en faire douter. Mes larmes furent agréables à Mademoiselle Lefort. Elle m'appela auprès d'elle et me dit « Pierre Nozière, vous avez pleuré. Voici la croix d'honneur. Apprenez que c'est moi qui ai fait cette poésie. J'ai un gros cahier rempli de vers aussi beau que cela, mais je n'ai pas encore trouvé l'éditeur pour les imprimer. Cela n'est-il pas horrible et même inconcevable ?»« Oh, mademoiselle, lui dis-je, je suis bien content. Je sais maintenant la cause de votre chagrin. Vous aimez la pauvre Jeanne qui est morte dans le hameau, et c'est parce que vous pensez à elle, n'est-ce pas, que vous êtes triste et que vous ne vous apercevez jamais de ce que nous faisons dans la classe. » Malheureusement, ses propos lui déplurent, car elle me regarda avec colère et dit « Jeanne est une fiction, vous êtes un sot. Rendez-moi cette croix et retournez à votre place. » Je retournai à ma place en pleurant. Cette fois, c'est sur moi que je pleurais, et j'avoue que ces nouvelles larmes n'avaient pas cette espèce de douceur qui s'était mêlée à celle que la pauvre Jeanne m'avait tirée. Une chose augmentait mon trouble. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une fiction. Fontanet ne le savait pas davantage. Je le demandai à ma mère quand je fus de retour à la maison. « Une fiction, me répondit ma mère, c'est un mensonge. »« Ah, maman, lui dis-je, c'est un malheur que Jeanne soit un mensonge. »« Quelle Jeanne ? » demanda ma mère. « Des vierges du hameau, Jeanne était la plus belle. » Et je contai l'histoire de Jeanne telle qu'elle me restait dans l'esprit. Ma mère ne répondit rien, mais je l'entendis qui disait à l'oreille de mon père « Quelle pauvreté on apprend à cet enfant !»« Ce sont en effet de grandes pauvretés, » dit mon père. « Que voulez-vous aussi qu'une vieille fille entende à la pédagogie ? J'ai un système d'éducation que je vous exposerai un jour. D'après ce système, il faut apprendre à un enfant de l'âge de notre Pierre les mœurs des animaux auxquels il ressemble par les appétits et par l'intelligence. Pierre est capable de comprendre la fidélité d'un chien, le dévouement d'un éléphant, les malices d'un singe, c'est cela qu'il faut lui conter, et non cette Jeanne, ce hameau et ces cloches qui n'ont pas le sens commun. « Vous avez raison, » répondit ma mère. « L'enfant et la bête s'entendent fort bien. Ils sont tous deux près de la nature. Mais croyez-moi, mon ami, il y a une chose que les enfants comprennent mieux encore que les ruses des singes. Ce sont les belles actions des grands hommes. L'héroïsme est clair comme le jour, même pour un petit garçon. Et si l'on raconte à Pierre la mort du chevalier d'Assas, il la comprendra, avec l'aide de Dieu, comme vous et moi. « Hélas, soupira mon père, je crois au contraire que l'héroïsme s'entend de diverses façons, selon les temps, les lieux et les personnes. » Mais il n'importe, ce qui importe dans le sacrifice, c'est le sacrifice même. Si l'objet pour lequel on se dévoue est une illusion, le dévouement n'en est pas moins une réalité, et cette réalité est la plus splendide parure dont l'homme puisse décorer sa misère morale. Cher ami, votre générosité naturelle vous a fait comprendre ces vérités mieux que je ne les comprenais moi-même avec le secours de l'expérience et de la réflexion. Je les ferai entrer dans mon système. » Ainsi disputaient le docteur et ma mère. 8 jours après, j'écrivais pour la première fois sur mon ardoise, au milieu du tumulte, « La faim mis au tombeau malifâtre ignoré. » Fontanet et moi, nous quittâmes ensemble la pension de Mademoiselle Lefort. Teuteau Bochus. Il ne me paraît pas possible qu'on puisse avoir l'esprit tout à fait commun si l'on fut élevé sur les quais de Paris en face du Louvre et des Tuileries, près du palais Mazarin, devant la glorieuse rivière de Seine qui coule entre les tours, les tourelles et les flèches du vieux Paris. Là, de la rue Guénégaud à la rue du Bac, les boutiques des libraires, des antiquaires et des marchands d'estampes étalent à la profusion les plus belles formes de l'art et les plus curieux témoignages du passé. Chaque vitrine est, dans sa grâce bizarre et son pêle-mêle amusant, une séduction pour les yeux et pour l'esprit. Le passant qui sait voir en emporte toujours quelque idée, comme l'oiseau s'envole avec une paille pour son nid. Puisqu'il y a là des arbres avec des livres, et que des femmes y passent, c'est le plus beau lieu du monde. Au temps de mon enfance, bien plus encore qu'à présent, ce marché de la curiosité était abondamment fourni de meubles anciens, d'estampes anciennes, de vieux tableaux et de vieux livres, de crédences sculptées, de potiches à fleurs, d'émaux, de faïences décorées, d'or froid, d'étoffes brochées, de tapisseries à personnages, de livres à figures et d'éditions princeps reliées en maroquin. Ces aimables choses s'offraient à des amateurs délicats et savants auxquels les agents de change et les actrices ne les disputaient point encore. Elles étaient déjà familières à Fontanet et à moi, quand nous avions encore des grands cols brodés, des culottes courtes et les mollets nus. Fontanet demeurait au coin de la rue Bonaparte, où son père avait son cabinet d'avocat. L'appartement de mes parents touchait à une des ailes de l'hôtel de Chimay. Nous étions, Fontanet et moi, voisins et amis. En allant ensemble, les jours de congé jouer aux Tuileries, nous passions par ce docte qu'est Voltaire, et là, cheminant, un cerceau à la main et une balle dans la poche, nous regardions aux boutiques tout comme les vieux messieurs, et nous nous faisions à notre façon des idées sur toutes ces choses étranges venues du passé, du mystérieux passé. Et oui, nous flânions, nous bouquinions, nous examinions des images. Cela nous intéressait beaucoup. Mais Fontanet, je dois le dire, n'avait pas comme moi le respect de toutes les vieilleries. Il riait des antiques plats à barbe et des saints évêques dont le nez était cassé. Fontanet était, dès lors, l'homme de progrès que vous avez entendu à la tribune de la Chambre. Ses irrévérences me faisaient frémir. Je n'aimais point qu'il appelât tête de pipe les portraits bizarres des ancêtres. J'étais conservateur. Il m'en est resté quelque chose, et toute ma philosophie m'a laissé l'âme des vieux arbres et des curés de campagne. Je me distinguais encore de Fontanet par un penchant à admirer ce que je ne comprenais pas. J'adorais les grimoires, et tout ou peu s'en faut m'était grimoire. Fontanet, au contraire, ne prenait plaisir à examiner un objet qu'autant qu'il en concevait l'usage. Il disait « Tu vois, il y a une charnière, cela s'ouvre. Il y a une vis, cela se démonte. » Fontanet était un esprit juste. Je dois avouer qu'il était capable d'enthousiasme en regardant des tableaux de bataille. Le passage de la Bérésina lui donnait de l'émotion. La boutique de l'armurier nous intéressait l'un et l'autre. Quand nous voyons au milieu des lances, des targes, des cuirasses et des rondaches, monsieur petit prêtre, revêtu d'un tablier de serge verte, s'en allait boitant comme Vulcain, prendre au fond de l'atelier une antique épée qu'il posait ensuite sur son établi et qu'il serrait dans un étau de fer pour nettoyer la lame et réparer la poignée, nous avions la certitude d'assister à un grand spectacle. Monsieur petit prêtre nous apparaissait haut de 100 coudées. Nous restions muets, collés à la vitre. Les yeux noirs de Fontanet brillaient et toute sa petite figure brune et fine s'animait. Le soir, ce souvenir nous exaltait beaucoup et 1000 projets enthousiastes germaient dans nos têtes. Fontanet me dit une fois « Si, avec du carton et le papier couleur d'argent qui enveloppe le chocolat, nous faisions des armes semblables à celles de petits prêtres. » L'idée était belle, mais nous ne parvînmes pas à la réaliser convenablement. Je fis un casque que Fontanet prit pour un bonnet de magicien. Alors je dis, si nous fondions un musée, excellente pensée, mais nous n'avions pour le moment à mettre dans ce musée qu'un 500 de billes et 12 douzaines de toupies. C'est à ce coup que Fontanet eut une troisième conception. Il s'écria, composons une histoire de France avec tous les détails en 50 volumes. Cette proposition m'enchanta et je l'accueillis avec des battements de mains et des cris de joie. Nous convînmes que nous commencerions le lendemain matin, malgré une page du devin que nous avions à apprendre. Tous les détails, répéta Fontanet, il faut mettre tous les détails. C'est bien ainsi que je l'entendais, tous les détails. On nous envoya coucher. Mais je restai bien un quart d'heure dans mon lit sans dormir, tant j'étais agité par la pensée sublime d'une histoire de France en 50 volumes avec tous les détails. Nous la commençâmes, cette histoire. Je ne sais ma foi plus pourquoi nous la commençâmes par le roi Teutobochus. Mais telle était l'exigence de notre plan. Notre premier chapitre nous mit en présence du roi Teutobochus, qui était haut de 30 pieds, comme on peut s'en assurer en mesurant ses ossements retrouvés par hasard. Dès le premier pas, affronter un tel géant, la rencontre était terrible. Fontanet lui-même en fut étonné. « Il faut sauter par-dessus Teutobochus, me dit-il. » Je n'osais point. L'histoire de France en 50 volumes s'arrêta à Teutobochus. Que de fois, hélas, J'ai recommencé dans ma vie cette aventure du livre et du géant. Que de fois, sur le point de commencer une grande œuvre ou de conduire une vaste entreprise, je fus arrêté net par un teuto bochus nommé vulgairement sort, hasard, nécessité. J'ai pris le parti de remercier et de bénir tous les teuto bochus qui, me barrant les chemins hasardeux de la gloire, m'ont laissé à mes deux fidèles gardiens, l'obscurité et la médiocrité. Elles me sont douces toutes deux, et même, il faut bien que je le leur rende. Quant à Fontanet, mon subtil ami Fontanet, avocat, conseiller général, administrateur de diverses compagnies, député, c'est merveille de le voir se jouer et courir entre les jambes de tous les teutobochus de la vie publique, contre lesquels, à sa place, je me serais mille fois cassé le nez.